vaccin vectoriel. Le risque de thrombose était connu. En janvier 2021, les premiers cas officiels de thrombose sont apparus après des vaccinations contre le Covid avec le vaccin vectoriel d'AstraZeneca. Les thromboses sont des obstructions potentiellement mortelles des vaisseaux sanguins. Quelques semaines plus tard, le journal Die Welt écrivait: les chercheurs s'interrogent sur la cause de la thrombose veineuse sinusale après la vaccination avec le vaccin AstraZeneca. Ils pensent que le virus vectoriel a causé ce grave effet secondaire. Les thromboses veineuses sinusales sont généralement des obstructions potentiellement mortelles des veines cérébrales. Cependant, ces rares thromboses veineuses sinusales ne sont pas les seules qu'on rencontre après la vaccination. On rencontre aussi des thromboses d'autres vaisseaux sanguins et une tendance accrue aux hémorragies. Pour finir, les grands médias ont célébré le succès des médecins de l'université de Greifswald, entre autres, qui auraient découvert un des mécanismes du syndrome. L'Agence européenne des médicaments, EMA, chargée d'évaluer et de contrôler les médicaments, a finalement été contrainte d'admettre le lien entre la vaccination vectorielle et les thromboses. Et pour le moment, le vaccin AstraZeneca n'a plus été administré dans de nombreux pays européens. Depuis, l'un des syndromes responsables de la thrombose a reçu un nom, STT, syndrome de thrombose avec thrombocytopénie, c'est-à-dire des caillots sanguins obstruant les vaisseaux associés à une carence en plaquettes. Mais ce que les médias et les scientifiques influents nous ont d'abord présenté comme un mystère et en fin de compte comme un éclaircissement scientifique réussi est connu depuis au moins 20 ans. C'est ce que prouvent les publications scientifiques sur les recherches qui sont à la disposition de tout le monde. Il s'agit du support appelé vecteur, qui est utilisé dans les vaccins vectoriels. Ce porteur de matériel de vaccination génétique est un adénovirus. Les publications révèlent sans équivoque les préoccupations connues en matière de sécurité et la toxicité potentiellement mortelle des vecteurs adénoviraux injectés. Elle se manifeste par un certain nombre de modifications du sang, entraînant des thromboses ou des hémorragies. Enfin, tous ces syndromes mentionnés ont été observés avec le vaccin d'AstraZeneca et plus récemment avec le vaccin vectoriel de Johnson & Johnson. C'est un crime contre la population que les entreprises pharmaceutiques ainsi que de nombreux scientifiques qui se sont exprimés dans ce contexte aient fait croire au public que le risque de thrombose était totalement inconnu et qu'ils aient laissé ce vaccin être administré malgré toutes les mises en garde. Les documents de recherche, dont certains sont déjà disponibles depuis des dizaines d'années, figurent dans le texte en dessous de l'émission. Il est probable qu'ils pourront avoir des conséquences juridiques favorables pour les victimes dans le cadre de futurs débats juridiques ou de futures actions en dommages et intérêts.